voiture m'ont volé. Aïe. En plus, c'est con. J'ai une voiture de location. Ça t'apprendra. Tu fais moins le malin. J'ai mal à la tête. Où qu'elle a gila, où qu'elle a gila. Mais où est-ce qu'elle est? Où qu'elle a gila, où qu'elle a gila. Mais où est-ce qu'elle est? Où qu'elle a gila, où qu'elle a gila. Mais où est-ce qu'elle est? Où qu'elle a gila, où qu'elle a gila. Mais où est-ce qu'elle est? C'est mon pote depuis quelques années. C'est pour ça que je peux pas lui en vouloir au moment où il me dit bah écoute, moi je vais rentrer là. Y'a mon petit frère qui dort sur la banquette là derrière. On prend la direction de chez lui, puis d'un coup il me dit: mais regarde là, c'est pas une Opel Agila. C'est la mienne. Viens garer, je suis sauvé. Ça marche bien, hein. C'est bonne voiture, hein. Puis pas grand, facile à garer et tout.